Ouais, je trempe le putain de canard dans la sauce, roule un camas pendant la pause. Tu crois qu'on joue? Non, mon sauce, mon équipe c'est les francs-maçons. La tienne c'est les fromagers. À la tienne si tu viens manger, frérot, je coupe des gros terres, je coupe le comté. Maintenant goûte, là t'es obligé. Putain, j'ai ma meuf et son boule. Nique les actrices de boule. Je fais des soupes pendant mon sommeil. Tu me vois dormir debout. Je passe le temps, tu passes le palais. Ta meuf m'appelle pendant que t'es pas là. Elle veut venir danser comme Billy. Bang bang. Pull up, pétasse 6, pétasse aval. Bataille russe, bataille navale. Je veux des putes, je veux du travail. Même des putes pour mon papa. Une maison au bord de la mer. Pour ma petite soeur et ma mère. Wesh mon pote, comment ça va? Frérot, pour moi c'est la merde. Je fais du salade avec mon porc. Et je la remplis jusqu'au bord. Nique les bouffons, nique les porcs. Je veux un bateau, je veux un porc. J'ouvre la porte de ma porche et je la promène sur la baie. Ouais, avant elle me faisait galère, maintenant elle dit je veux pas que son fils devienne un gothique ni un guetteur. Pour ça je cotise. T'inquiète, après le charbon vient le profit. J'encaisse si je te l'ai promis. T'inquiète, t'inquiète. Ok, ça prendra le temps que ça prendra. T'inquiète. On va les saigner jusqu'au bénéfice. Ça prendra le temps que ça prendra. T'inquiète. On s'est préparé pour le bénéfice. Posé dans la plaine, même les keufs m'appellent. J'suis pas un thug, mais j'vendrai pas la mèche. J'les regarde, ils me font de la peine. Mes skinny savent pas ken. Touche pas ma zeb, j'légalise comme Danaki. J'suis trop pragmatique. Quand j'rappe même le magma freeze. Y'en a qui disent faut qu'on braque à 10. D'autres qui disent faut qu'on quitte la DAS. Moi j'suis sauté le cadenas. Clic, j'viens que si y'a les gars de ma clique. Frérot tu vas prendre une claque. Même si j'ai pas encore d'athlète. J'veux pas que mon fils devienne un gothique ni un guetteur. Pour ça je cotise. T'inquiète, après le charbon vient le profit. J'encaisse si je te l'ai promis. T'inquiète, t'inquiète. Ok, ça prendra le temps que ça prendra. T'inquiète. On va les saigner jusqu'au bénéfice. Ça prendra le temps que ça prendra. T'inquiète. On s'est préparé pour le bénéfice. Ça prendra le temps que ça prendra. Non, c'est ça prendra.